إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله وحده له الخلق والأمر فلا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله ولا شريعة للخلق سوى شريعة الله فهو الذي يوجب الشيء ويحرمه وهو الذي يندب إليه ويحلله ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ويقول تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم عباد الله إن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه أو يقول عن الشيء إنه غير واجب وهو لا يدري أن الله لم يوجبه إن هذا جناية وسوء أدب مع الله عز وجل كيف تعلم أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم لقد قرن الله هذا القول عليه بلا علم بالشرك قرن الله هذا القول بلا علم بالشرك به فقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون عباد الله إن كثيرا من العامة يفتي بعضهم بعضا بما لا يعلمون فتجدهم يقولون هذا حلال أو هذا حرام أو واجب أو غير واجب وهو لا يدري عن ذلك أفلا يعلم هذا الرجل أن الله سائله عما قال يوم القيامة أفلا يعلم أنه إذا أضل شخصا فأحل له ما حرم الله أو حرمه مما أحل الله له فقد باء بإثمه وكان عليه مثل وزر ما عمله من إثم بسبب فتواه إن بعض العامة إذا رأى شخصا يريد أن يستفتي عالما يقول له ما حاجة تستفتي هذا، واضح حرام، مع أنه في الواقع حلال، فيحرمه ما أحل الله له، أو يقول هذا واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به، أو يقول هذا غير واجب فيسقط عنه ما أوجب الله عليه، أو يقول هذا حلال وهو في الواقع حرام فيوقعه فيما حرم الله عليه، وهذا جناية منه على شريعة الله، وخيانة لأخيه المسلم حيث غره بدون علم. لو أن شخصا سأل عن طريق بلد من البلدان فقلت الطريق من هنا وأنت لا تعلم، لعد الناس ذلك خيانة منك وتغريرا، فكيف تتكلم عن طريق الجنة وهو الشريعة التي أنزل الله وأنت لا تعلم عنها شيئا؟ إن بعض المتعلمين يقعون فيما يقع فيه العامة من الجرأة على الشريعة في التحليل والتحريم والإيجاب، فيتكلمون فيما لا يعلمون ويجملون في الشريعة ويفصلون، وهم من أجهل الناس في أحكام الله. إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي من جزمه فيما يقول وعدم تورعه، لا يمكن أن ينطق بلا أدري أو لا أعلم، مع أن عدم العلم هو وصفه الحق الثابت، وهذا أضر على الناس من العامة، لأن الناس ربما يثقون بقوله ويغترون به، وليت هؤلاء يقتصرون على نسبة الأمر إليهم، لا بل تراهم ينسبون ذلك للإسلام، فيقول الإسلام يقول كذا، الإسلام يرى كذا، وهذا لا يجوز إلا فيما علم القائل أنه من دين الإسلام، ولا طريق إلى ذلك إلا بمعرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين عليه. إن بعض الناس لجرأته وعدم ورعه يقول عن الشيء المحرم الواضح تحريمه ما أظن هذا حرام، أو عن الشيء الواجب الواضح وجوبه ما أظن هذا واجبا، إما جهلا منه أو عنادا أو مكابرة أو تشكيكا للناس في ذلك. عباد الله، إن من العقل وإن من الإيمان وإن من تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل عما لا يعلم لا أعلم لا أدري اسأل غيري، فإن ذلك من تمام العقل، لأن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به، لأنه يعرف قدر نفسه، حينئذ ينزلها منزلتها، وإن ذلك من تمام الإيمان، إن ذلك من تمام الإيمان بالله وتقوى الله، حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه ما لا يعلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عما لم ينزل عليه فيه الوحي، يسأل عما لم ينزل عليه فيه الوحي، فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيجيب الله عما سئل عنه نبيه، مثل الآيات التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولقد كان الأجلاء من الصحابة تعرض لهم المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونها ويتوقفون فيها. فها هو أبو بكر رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيها. وقال ابن سيرين رحمه الله: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال له أصحابه: قد استحيينا لك. فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وجاء رجل إلى مالك ابن أنس أحد الأئمة الأربعة فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسافة بعيدة في مسألة حملني إياها بلدي لأسألك. فقال: فسل. فقال: لا أدري. فبهت الرجل فقال: ماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم قال مالك لا أدري. وقال الإمام أحمد، كان الإمام أحمد بن حنبل يسأل عن مسألة فيتوقف، أو يقول لا أدري، أو يقول سل غيري، أو سل العلماء، أو نحو ذلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت أحدا جمع الله فيه آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة. سفيان بن عيينة إمام مكة في وقت الإمام مالك. فقال الإمام الشافعي عن سفيان: ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة، أسكت عن الفتية منه. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وخصوصا في زماننا صار الناس يأخذون العلم من غير أهله على الإنترنت، ويستمعون إلى أناس من أهل البدع والضلال، ومن كل من ظهر في وسائل الإعلام، ويظنون أن كل من تكلم في الدين أو خطب على المنبر في المساجد أنه من العلماء وأنه أهلا للفتوى. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا الفرق بين العالم وبين الطالب والخطيب والواعظ، واعرفوا الفرق بين العالم السلفي السني الصادق وبين المبتدع الضال المتبع لهواه، والمتعالم الذي يظهر علما وليس من العلماء الجاهل. لابد أن تعرفوا الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، واعلموا أن ليس كل شيخ يصلح للكلام في المسائل العظام والنوازل، بل لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا العلماء الراسخين في العلم، كبار العلم والسن، لا الشباب المتحمسين الذين لا يحكمون إلا بالعواطف والهوى، نسأل الله العافية. وإذا كان الكلام في المسائل العقدية والمنهجية فالأمر أشد خطرا، لأنه يترتب عليه مآل الإنسان في الآخرة ودخول الجنة أو النار، والمتكلم في هذه الأمور العقدية والمنهجية بغير علم ضال مضل، وشيطان من شياطين الإنس، ودجال من الدجالين. ويقول الإمام محمد بن سيرين من أئمة التابعين، يقول رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. ويقول تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتسألون أهل العلم ولا تسألون الذين ليس عندهم علم، ولا تسألون أهل البدع، لأنهم ليسوا من العلماء وإن كثر علمهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله اتقوا الله. serviteur d'Allah craignez Allah et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala à lui seul appartient la création et à lui seul appartient le commandement. Il n'y a pas de créateur excepté Allah. Et il n'y a personne qui contrôle la création excepté Allah. Et il n'y a pas de loi et de législation à suivre pour la création excepté la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne et qui interdit. Et c'est lui qui rend quelque chose permis ou recommandé, et qui rend halal ou qui rend haram. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets dans le Coran, il a condamné les gens qui rendent des choses licites ou illicites en se basant sur leur passion uniquement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie: avez-vous vu ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre pour vous comme subsistance, et vous en avez fait de cette subsistance, parmi cette subsistance, vous en avez fait certaines halal, vous les avez déclarées licites, et d'autres, vous les avez déclarées haram, vous les avez déclarées illicites. Dis, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a permis cela, ou bien vous inventez un mensonge contre Allah? Et donc, c'est-à-dire que de dire à propos de quelque chose, ceci est halal, et de dire à propos de quelque chose, ceci est haram, en se basant uniquement sur ses désirs et ses passions, sans se référer à une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors cela fait partie des gens qui, la personne qui agit ainsi, elle fait partie des gens qui ont inventé un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Approchez-vous. Barakallahu fikum. S'il y a de l'espace devant vous ou à côté de vous, approchez-vous pour laisser un peu d'espace pour vos frères qui arrivent maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également dans le Coran ce qui signifie: et ne dites pas de ce que vos langues disent comme mensonge à propos des choses, que ceci est halal ou que ceci est haram, pour inventer un mensonge contre Allah. ceux qui inventent un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala n'auront pas de succès. Ils auront une petite jouissance et dans l'au-delà un châtiment douloureux. Serviteurs d'Allah, sachez que parmi les plus grands crimes que quelqu'un peut commettre, il y a le fait qu'une personne dise à propos d'une chose qu'elle est halal alors qu'elle ne connaît pas le verdict d'Allah à son sujet. Ou qu'elle dise à propos d'une chose ceci est haram alors qu'elle ne connaît pas le verdict d'Allah à son sujet. Ou bien qu'elle dise à propos d'une chose ceci est obligatoire alors qu'elle ne sait pas le verdict d'Allah à son sujet. Ou qu'elle dise à propos d'une chose ceci n'est pas obligatoire alors qu'elle ne connaît pas le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala à son sujet. Ceci est un crime et un mauvais comportement, une mauvaise manière envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu savoir que le jugement appartient uniquement à Allah, puis par la suite tu essaies de devancer Allah subhanahu wa ta'ala dans les verdicts de sa religion? Et tu dis dans sa religion et dans sa sharia ce dont tu n'as aucune connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a associé dans le Coran le fait de parler à propos d'Allah et de sa religion sans science, il l'a associé et il l'a mis avec le fait de faire le shirk et de commettre l'association, c'est-à-dire d'associer avec Allah, de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire que de parler à propos d'Allah et de sa religion sans science, c'est aussi grave ou même parfois même plus grave que le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, dit ô Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement interdit les turpitudes, ce qui en est apparent et ce qui en est caché, de même que le péché et la transgression injuste, de même que le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala ce sur quoi il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Et donc, après avoir mentionné le shirk, il a mentionné le fait de mentionner ou de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, sans connaissance. Serviteurs d'Allah, beaucoup d'entre les musulmans du commun se permettent d'émettre des verdicts religieux les uns les autres, ou les uns pour les autres. Et donc, tu les trouves dire, certains d'entre eux qui disent ceci est halal, ceci est haram, ceci est obligatoire, ceci n'est pas obligatoire, alors qu'il ne sait rien de la réalité de ces choses. Et la personne qui agit ainsi ne sait-elle pas qu'elle sera questionnée à ce sujet-là au jour de la résurrection? Et ne sait-elle pas que si elle égare une personne en rendant halal ce que Allah a rendu haram, ou en rendant haram ce que Allah a rendu halal, qu'elle aura la rétribution de ce péché-là, et qu'elle portera sur son dos son péché et le péché de celui qui l'a suivi à cause de sa fatwa? Certains d'entre les gens, lorsque on leur dit « je vais poser la question à un savant au sujet de telle ou telle question », ils répondent en disant « où est le besoin de poser cette question à un savant ? Cette question est facile, cette question est claire, c'est haram, alors qu'en réalité c'est halal. » Et donc il rend haram ce qui est halal. Ou bien il dit ceci est obligatoire et il le rend imposable à la personne alors que Allah ne l'a pas obligé. Ou bien elle déclare quelque chose comme n'étant pas obligatoire et elle fait sauter donc cette obligation alors que Allah l'a rendue obligatoire. Ou bien il dit à propos d'une chose qu'elle est halal alors qu'en réalité elle est haram, et il fait tomber les gens dans le haram à cause de ça. Et donc ça c'est un grand crime contre la sharia d'Allah, et c'est une trahison envers ton frère musulman, parce que tu l'as trompé sans science. Et si par exemple quelqu'un venait te demander le chemin pour aller quelque part et que toi tu lui disais c'est par là, alors que tu sais même pas réellement où est-ce que cet endroit se trouve, tous les gens seraient d'accord pour dire que ça, c'est de la trahison, que c'est un acte malhonnête. Tu indiques à quelqu'un le mauvais chemin ou un chemin alors que tu ne connais même pas la direction réelle. Et tu parles sans science. Alors, si c'est ainsi pour les questions de la vie d'ici-bas et les questions de la vie et de la dunya, que dire des choses qui ont rapport avec la religion d'Allah et le chemin qui mène au paradis? Et toi, tu induis les gens en erreur à propos du chemin qui mène au paradis et tu indiques aux gens un chemin autre que celui que Allah a tracé. Et donc ça, il n'y a pas de doute que c'est une trahison et que c'est quelque chose qui fait partie des grands crimes. Il y a également des gens qui ont étudié un peu de la religion ou qui ont certaines connaissances de la religion, mais qui ne sont pas des ulama de l'islam, et parfois ils agissent d'une manière effrontée envers la charia d'Allah, en rendant des choses halal ou haram, ou en les déclarant obligatoires ou non, et ils parlent sans science. Ils généralisent, ou parfois ils rentrent dans des détails sur les questions de l'islam, alors qu'en réalité, ils ne connaissent réellement pas les questions de ces sujets-là. Et lorsque tu les entends parler, tu as l'impression qu'ils reçoivent une révélation divine, tellement ils parlent avec certitude de certains sujets, alors que ce sont des questions dans lesquelles il y a parfois divergence, ou des questions dans lesquelles il y a des détails très compliqués et subtils, et ils en parlent comme s'ils avaient tout compris du sujet. Ces gens-là sont plus dangereux que le commun des musulmans qui se trompent dans ces questions-là, parce que les gens se laissent tromper parfois à cause de leur façon de parler, hein, ce qu'on appelle yani, les gens qui prétendent à la science, qui sont des gens qui sont parfois cultivés dans la dunya, qui ont étudié, mais qui ne connaissent pas de façon profonde les règles de la charia. Et ils ne maîtrisent pas les questions de la charia. Alors, ils induisent les gens en erreur parce que les gens ont confiance en ce qu'ils disent. Et le danger de ça également, c'est qu'ils ne se limitent pas à mentionner leur propre opinion et à dire aux gens « ceci est mon opinion ». Non, ils vont même attribuer cette parole ou cette position à l'islam lui-même en disant « l'islam dit ceci » ou « la position de l'islam c'est cela ». Et cela n'est pas permis, hein? Excepté lorsque la personne est réellement certaine qu'elle a des preuves que ce qu'elle dit fait partie de l'islam réellement. Et ça, on ne peut pas le dire, excepté avec la connaissance du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou un consensus, une question sur laquelle la Ummah s'est réunie. Et il y a également des personnes qui sont effrontés dans ces questions et qui n'ont aucune crainte d'Allah dans ces questions religieuses, et ils vont dire de quelque chose qui est haram et dont son interdiction est claire, ils vont dire « je ne crois pas que c'est haram ». Ou bien quelque chose qui est obligatoire et son obligation est claire, ils disent « je ne crois pas que c'est obligatoire ». Hein? Et ça, c'est soit par ignorance ou par arrogance ou par fierté, ou pour faire douter les gens. Et donc, celui qui a un minimum de raison et de foi et de piété et de crainte d'Allah, il ne va pas agir ainsi. Et il ne va pas oser parler de la religion d'Allah sans avoir de la science. Et il ne va pas être gêné de dire « je ne sais pas » s'il ne sait pas. Hein, de dire Allahu A'lam, Allah sait mieux, s'il ne sait pas. Et les gens vont voir de cette personne que c'est une personne qui est sérieuse et qui est minutieuse dans les questions religieuses, qui ne se permet pas de dire sans savoir. Hein? Lorsque la personne va lui poser une question et qu'elle ne connaît pas la réponse, elle n'a pas peur de dire « Je ne sais pas, je ne connais pas la réponse à cette question. Je n'ai pas de science à ce sujet. Allahu a'lam. » Les gens vont voir que cette personne, elle connaît sa limite. Elle sait où s'arrêter dans les questions de religion. Et ça, ça fait partie de la perfection de la foi et de la piété. Que tu ne vas pas devancer Allah subhanahu wa ta'ala dans sa religion. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parfois on venait lui poser une question au sujet de laquelle il n'y avait pas eu un verset ou une révélation et il ne répondait pas tant que le verset lui était révélé. Et c'est pour ça qu'on retrouve plusieurs versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et il te demande à propos de telle ou telle chose. Hein? » Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verdict à son sujet. Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il ne parlait pas sans preuve, sans révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup d'exemples de ça. Et donc, on regarde également l'exemple des sahaba, radiyallahu anhum. Quand ils ne savaient pas quelque chose, ils avaient peur de parler à son sujet et de répondre à son sujet. Parfois, tu vois des gens, tout de suite on leur pose une question, et tout de suite ils se précipitent à répondre dans la religion. Hein? Alors qu'ils n'ont pas de science. Et parfois, tu vois même des nouveaux convertis. Quelqu'un, il vient de se convertir, ça fait un an ou deux, il a lu sur un site internet quelques fatwas. Ça y est, il pense qu'il peut donner des fatwas pour toutes les questions de la religion. Hein? D'autres, ils pensent que par le simple fait qu'ils sont nés dans une famille musulmane, qu'ils ont la science infuse. Hein? Et que le simple fait de parler l'arabe leur donne le droit de faire des fatwas au sujet de l'islam. Alors qu'ils n'ont jamais étudié avec les ulama et qu'ils n'ont jamais fait d'études islamiques. Et donc ça, c'est très dangereux. Et quand on regarde l'exemple de Abu Bakr, radiyallahu anhu, il dit, quel ciel va me couvrir et quelle terre va me porter si je dis à propos du livre d'Allah quelque chose alors que je n'ai aucune science à son sujet. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, parfois un événement se produisait, quelque chose que les sahaba n'avaient jamais vécu auparavant. Et qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il répondait? Est-ce qu'il donnait sa parole? Son verdict? Non. Il réunissait tous les sahaba ensemble et il leur demandait conseil, il leur demandait leur point de vue sur la question avant de répondre ou avant d'agir. Nous aujourd'hui, ces questions-là, on les laisse à un jeune qui vient de sortir de l'école de Sharia. Et il pense que ça y est, il peut répondre à toutes les fatwas sur toutes les situations qui se passent dans la Ummah. Allahul Musta'an. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il disait, « Oh vous les hommes, si on vous demande à propos d'une science et que vous la connaissez, alors dites-la. Et si vous ne la savez pas, alors dites, Allahu A'lam. » Car le fait de dire Allahu A'lam, Allah sait mieux, cela fait partie de la science. Un homme est venu voir l'imam al-Sha'bi, un des grands imams des salafs, pour lui poser une question. Il a répondu, il a dit, je ne connais pas cette question. Je ne sais pas la réponse. Alors ses compagnons ont dit, on est gêné pour toi, qu'on te pose une question puis tu ne puisses pas répondre. Et il a dit, est-ce que les anges ont été gênés de dire, la ilma lana illa ma'allamtana? Est-ce que les anges ont été gênés de répondre à Allah lorsqu'on leur a demandé à propos de la connaissance et ils ont dit, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris? Donc si eux, ils n'ont pas été gênés de dire ça, alors nous aussi, on ne doit pas être gêné de dire qu'on ne sait pas. De même que l'imam Malik, il y a un musulman, un talib ilm, quelqu'un qui cherche la science, il est venu le voir à Médine pour lui poser des questions sur l'islam. Il venait de très loin, certains ont dit qu'il venait même de l'Andalousie. Il a marché des mois pour poser des questions à l'imam Malik, qui vivait à Médine. Eh bien, lorsqu'il est arrivé, il a posé des questions. Il a dit, je viens pour te poser des questions, des gens de mon pays. Il a dit, pose tes questions. Il a posé sa question et l'imam Malik a dit, je ne connais pas la réponse. Alors, il a dit, qu'est-ce que je vais répondre aux gens de mon pays lorsque je vais retourner les voir et que je vais leur dire que l'imam Malik, il ne sait pas. L'imam Malik lui a répondu, il a dit, tu vas leur dire que l'imam Malik, il ne sait pas. Et il y en a des gens qui trouvent ou qui pensent que c'est une honte de ne pas connaître la réponse sur quelque chose dans la religion alors qu'ils n'ont pas la science au sujet de cette question. Il n'y a aucune gêne là-dedans, il n'y a aucune honte là-dedans, au contraire. Même les plus grands d'entre les ulama et les plus grands d'entre les sahaba se gênaient jamais de dire « Allahu A'lam ». Et donc nous on doit suivre cet exemple-là. Et la même chose également à notre époque, parce que les gens prennent de la science d'un peu n'importe qui sur internet, ils cherchent les fatwas sur Google, ils cherchent les fatwas sur YouTube, ils écoutent des petites vidéos de 5 minutes pour trouver des questions et ils prennent la réponse de n'importe qui. Si au moins ils connaissaient qui sont les savants et qui ne sont pas savants, qui sont les ulama et qui ne sont pas les ulama, qui sont les gens de bid'a et qui sont les gens de la sunna, ils pourraient distinguer et savoir de qui prendre et de ne qui pas prendre. Mais le problème, non, aucune distinction, parce qu'ils ne savent pas qui est qui. Et donc ils trouvent une réponse n'importe laquelle et ils la prennent, sans savoir la différence entre les gens. Et donc ça, c'est quelque chose de très dangereux. Et l'imam Mohammed ibn Sirin, il a dit, cette science, c'est ta religion. Alors, fais attention de qui tu prends ta religion. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que, à la fin des temps, il allait retirer la science des hommes. Et il a dit, on ne va pas retirer la science des hommes en leur enlevant la connaissance qu'ils ont de leur cœur. Mais on va leur enlever la science qu'ils ont par la mort des ulama. Parce que la science, elle se transmet par les savants, par les ulama. Et donc il a dit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de savants, alors à ce moment-là, les gens vont prendre des ignorants et les élever et leur poser des questions sur la religion et ils vont répondre sans science et donc ils vont s'égarer eux-mêmes et ils vont égarer les autres avec eux. Et donc il faut distinguer entre les savants de l'islam et les imams des mosquées. Il y a une grande différence entre un savant de l'islam, un alim, et un imam de mosquée. Il y a une grande différence entre un alim et un khatib qui fait la khutba de Jumu'ah. Il y a des grandes différences. Les gens, ils pensent que tout le monde sont égaux et que tout le monde sont pareils. De même que les questions qui ont rapport avec des grands problèmes de la Ummah et des petits jeunes qui se permettent de parler sur ces sujets-là, alors que seuls les grands savants enracinés dans la science ont le droit d'en parler. Ceux qui sont avancés en science et en âge, et non pas le petit jeune émotif et excité qui parle sans science et qui parle uniquement par ses sentiments et ses émotions. Et ça fait que les gens s'égarent parce qu'ils ne retournent pas aux hommes de science. Au lieu de retourner aux savants, ils retournent à des ignorants. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.